Wow, les trois accords qui nous parlent d'un pantalon plein dans leur pièce, ton pantalon est plein. Avec ça, puis shampoing et son morceau richesse de la fleur qui parle d'un gars qui s'essuie dans la forêt. Disons qu'on est très, très mature côté francophone cette semaine. Donc, juste avant les trois accords qui étaient une nouvelle entrée, il y avait Vincent Vallière et Le Monde Tourne Fort. Ça aussi, c'est nouveau. C'est le troisième extrait de son album Le Monde Tourne Fort. Vous êtes dans l'édition francophone des Palmarès C'est Fou. On se rend jusqu'au numéro 1. On va savoir bientôt si Fred Fortin est toujours en première position avec Dollarama. Mais dans le prochain bloc, il va y avoir La Patate Rose et Ariel. On débute ça avec Les Amis au Pakistan qui montent de deux places. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Voici Le Fleur de ma journée au 89 FM. Le Fleur de ma journée. Come on.

La position numéro 16 du palmarès francophone, c'est la pièce L'éponge de la Pater Rose. Ça monte de 3 places. C'était précédé d'Ariel et Méfie-toi, Méphisto qui descendent de la 8e position. Malheureusement, c'est seulement sa 3e semaine. Il me semble que ça n'a pas monté très très haut. Ça a redescendu très rapidement. Et en 18e, au début du bloc, c'était Les Amis au Pakistan et Le Fleur de ma journée. Ça monte de 2 places. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière de leur album Cosmetic Cosmic. Vous êtes dans l'édition francophone des Palmarès C'est fou. Dans le prochain bloc, les mal léchés et naïves, mais débutons ça avec Flat, qui descend de 2 places. Au 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. Au retour, les mal léchés et Marie-Pierre Arthur dans l'édition francophone des Palmarès C'est fou. Numéro 13. L'entrée du garage est condamnée depuis déjà longtemps. Les curieux y jetteraient bien un coup d'œil, mais pourtant, les seuls qui sont amis font partie de nos amis. Les autres qui restent dehors, puis tant pis. Y'a de quoi d'eau qui se passe dans le voisinage. On nous entend travailler dans le garage. Ça inquiète la population, mais ils vont savoir, ça sera pas long. Mais y'a de quoi d'eau qui se passe dans le voisinage. Si ça les inquiète tant, c'est que la dernière fois, les gars du quartier voisin ont voulu faire la loi. On les a vu débarquer, presque tous armés, de batte de baseball et de balles de fer rouillé. De batte de baseball et de balles de fer rouillé. De batte de baseball et de balles de fer rouillé. La rencontre s'était montrée plutôt violente. C'est à huis clos que s'était déroulée la patente. On les avait laissés rentrer, mais quand la porte s'est refermée, c'est en ambulance qu'ils s'en sont tournés. Voici c'est différent, y'a pas de bagarre ni d'effusion de sang. Cette fois-ci on peut être fier de ce qui sort du garage. Ça fait des mois qu'on est sur ce projet-là. Quand ça va sortir, vous y croirez même pas. Préparez vos Kodak, c'est à soi qu'on roule les portes du chat. Y'a de quoi de gros qui s'est passé dans le garage. Y'a de quoi de gros qui s'est passé dans le garage. Y'a de quoi de gros qui s'est passé dans le garage. Les mal léchés, le garage, qui monte d'une place en 13e position francophone. C'est leur album qui s'appelle Dans le garage. Avant ça, c'était Naïve avec Echo qui descend de la 5e position après seulement 3 semaines. Ça fait pas très long feu, ça, Naïve. On a débuté avec Flat et Sexy Lyric qui descend aussi. Mais de 2 places. Et c'est aussi sa 3e semaine. Donc, une autre pièce qui parle de lever tant que ça. Tu sais, il me semble. Je sais pas. Pas sûr. Donc, vous êtes dans l'édition francophone des Palmarès C'est fou. Il y a des choses qui descendent, des choses qui montent. Des fois, ça bouge pas tant que ça. C'est les animateurs de C'est fou qui décident qu'est-ce qui monte et qu'est-ce qui descend dans les palmarès. Donc, voilà la raison de la chose. Dans le prochain bloc, on va entendre Shampoing avec sa pièce dont je parlais un petit peu plus tôt. Si vous étiez là, j'ai fait une petite blague. Très bonne blague. Non, du tout. C'était pas vraiment une blague. Richesse de la fleur de Shampoing, c'est une pièce qui parle d'un gars qui essaie de faire quelque chose dans la forêt. Écoutez les paroles. Je le dis à toutes les fois que je l'ai fait jouer. Écoutez les paroles, c'est bien, bien drôle. Bien le fun. Bien mature. Mais on commence avec Marie-Pierre Arthur. Voici une pièce très classe. C'est Elle et ça monte de 6 places. Tout de suite sur C'est fou 89.1. La radio campus de Trois-Rivières. Bon, faut élever le niveau à un moment donné. Frappe. Plus discrète. numéro 11. Il frein n'est pas pour sortir, vous me trouvez bien rempli. Et quand le soleil sort, puis que les beaux gens vont éclore, enfin pour vous torcher, à même les richesses de la flore. Parlez-moi en dans des paniers, dans le sud au moins en quoi pour se torcher. Je me suis j'ai cul hiver, assis seulement au fer, moi toujours m'en rappeler au chagrin. Rappelle un vieux sage du pays d'Atirondax. Il y avait du lichen qui restait pris dans le crack. Parlez-moi en dans des paniers, dans ce nom moyen quoi pour se torcher. Je me suis gelé cul hiver, assis sur un bord au fer. Moi toujours m'en rappeler au chagriné. C'est Richesse de la Flore. C'était Shampoing avec la pièce Richesse de la Flore. 11e position, ça monte d'une place. C'était précédé de Marie-Pierre Arthur et de Elle. Ça monte de 6 places. C'était nouveau la semaine dernière en 18e position. Et son album est vraiment excellent. Marie-Pierre Arthur l'adore. Vous êtes toujours dans l'édition francophone des Palmarès C'est fou. On se rend jusqu'au numéro 1 qui, la semaine dernière, je le rappelle, était Fred Fortin avec Dollarama. On se demande si c'est encore en première position parce que c'est une très très bonne pièce. Une pièce que les gens adorent. Je l'entends souvent. Tout le monde m'en parle. Wow, c'est dommage bon du Fred Fortin. C'est malade, c'est génial. Donc, est-ce que c'est encore numéro 1? Ben, il va falloir attendre pour le savoir au moins encore un peu parce qu'on a dépassé le point de sauvegarde du palmarès. Donc, la moitié est faite. Il nous reste le top 10. Dans le prochain bloc, on va entendre Asso et Mimi Van Der Glo, mais on débute avec les Fatal Picard. Ils montent d'une place avec leur pièce. Mon père était tellement de gauche que voici à l'instant au palmarès C'est fou au 89.1. Choisis pas son enfance, on m'a pas laissé à droite. Qui est mon père, m'emmenait jamais au square. Mais aux réunions de comité, mon père était tellement de gauche qu'on habitait rue Jean Jaurès, en face du square Maurice Thorez, avant d'aller vivre à Montrouge. La la la la la la la la la la la la la la la. On a été en ours l'hiver, le pays de l'Est, c'est mieux l'hiver. On voit bien mieux les bâtiments, les nuances de gris, ça flash sur le blanc. Devant la statue de Lénine,

Assaut et Agenda. C'est en 8e position francophone, ça monte de la 15e place. Avant, c'était Mimi Van Der Glo et Demain Je Travaille qui monte de une. Et on a débuté avec Les Fatal Picard et Mon Père était tellement de gauche. Et ça, ça monte d'une place remplie de références françaises que je comprends pas parce que je suis pas éduqué sur la France, malheureusement. Mais l'album s'appelle quand même, malgré tout, Le Sens de la Gravité. Vous êtes dans l'édition francophone des Palmarès C'est Fou avec moi, Mathieu Plante. On continue pour encore un bon bout et on va savoir très, très, très bientôt, en fait, dans le prochain bloc, que le numéro 1, ben, est plus vraiment numéro 1. C'est un peu ça que ça veut dire. On va entendre Fred Fortin dans ce bloc-là, mais on débute avec Chinatown. Ça monte de deux places. Voici, tu es un hit et peut-être qu'un jour, ce sera le numéro 1. Donc, un hit pour C'est Fou. Hein? 89.1. Je te donne ma vie. Et crois-moi qu'elle est chouette, ma vie. Mes souliers souillés sur le dance floor, à t'écouter battre des cils. Oh ma chérie, tu es un hit. Ton corps est une plage au milieu des tristesses. Oui, je le veux qu'on lit dans les yeux des garçons quand tu passes près d'eux. Et tes yeux des chansons tristes, oh si tristes. Oh ma chérie, tu es un hit. Ton corps est une plage au milieu des tristesses. Si t'en vas, moi je te tiens la porte. Et allons battre la semelle dans des tas de feuilles mortes. Je ferai en sorte que tu sois mon escorte. Jusqu'à ce que l'ennui nous sépare. Jusqu'à ce que la nuit nous répare. De ces voyages au calandre. Ma chérie, tu es un hit. Ton cœur est une plage au milieu des tristesses. Et si tu t'en vas, moi je te tiens la porte. Et allons battre la semelle dans des tas de feuilles mortes. Oh ma chérie. Mon cœur est une plage au milieu des tristesses. Numéro 6. Tu devais un rapport qui cache bien de voir. Ces étagères, jamais su son vrai nom. Je me disais quoi tu devrais savoir. Avec des boutons, des grosses dents, puis les d'armoires. On l'appelait petite charrue, c'était le nom que lui avait donné.

très mignonne, cette petite pièce d'Hôtel Morphée. Danse sur les toits, ça monte d'une place. Et avant ça, on a entendu Fred Fortin avec Dollarama. Ça, c'est l'ancien numéro 1 de la semaine dernière dans le francophone. Et on a débuté avec Chinatown et tu es un hit. Ça, ça monte de deux places. On avance, il nous reste seulement les positions 4 à 1. On a un nouveau numéro 1, vous l'aurez compris, parce que Fred Fortin est en 6e maintenant. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est We Are Wolves? Est-ce que c'est Vince Parietta? Est-ce que c'est Le Nombre? Ou est-ce que c'est Patrick et Brut? Ça, je peux vous dire que c'est pas ça, hein, parce que c'est stable en 4e. Voici tout de suite chez Candy, dans l'édition francophone des Panaras. C'est fou au 89 FM. Vanesse Pariétaire et Bois Vert, c'est le numéro 3 cette semaine dans le palmarès francophone. Ça monte de la 7e place. Et avant, on a entendu Patrick et les Brutes avec Chez Candy. Ça, c'est stable. Et ça vient de son album Toutes les filles sont folles de moi. Même leur album, parce qu'il y a pas mal de monde sur la pochette, je dirais bien. Oh, beau favori, d'ailleurs. OK, vous êtes dans l'édition francophone des palmarès, c'est fou. Et on se continue ça. Il nous reste deux positions. Et on va savoir qui est notre nouveau numéro 1 dans quelques minutes à peine. Tout ça, ben, c'est évidemment sur le 89 FM, c'est fou. Allez voir le www.cif.ca pour le palmarès et la programmation et les balado-diffusions de différentes entrevues qu'on a eues, entre autres avec des artistes du palmarès, comme, je sais pas, je mentionnerai au grand hasard comme ça, Fred Fortin, Vanesse Pariétaire, des gens comme ça, Vincent Vallière, je sais pas si vous connaissez ça. Hein? Bon, donc, prochain bloc commence par le numéro 2. Voici We Are Wolves qui monte d'une place. C'est La Rue au Bic. Tout de suite au 89 FM, c'est fou. première position. Le grand numéro 1 du palmarès francophone de cette semaine. Avant de dire le numéro 1, on fait un petit récapitulatif, comme on aime bien le faire. En troisième place, c'était Vanessa Parietter avec Bois Vert, ça monte de la septième. En deuxième, ça monte d'une place, La Rue Oblique avec la formation We Are Wolves. Et on vient d'entendre en grande première position Le Nombre avec D.B. Cooper. Ça monte d'une place, ça vient de leur album Ville et Fantastique. Ça a pris 6 semaines avant de se rendre au numéro 1. Ah, c'est parce qu'à la fin des palmarès, mais on a quand même un petit peu de temps libre comme ça en fin d'émission. Je me demandais, ça me tentait-tu d'écouter un bloc L'Alphabet des palmarès? Je me suis dit, est-ce que ça me tente d'écouter des pièces d'artistes qu'on connaît déjà, mais des pièces qu'on connaît pas? J'ai décidé de choisir le deuxième choix. Donc, juste pour vous, on va écouter une autre pièce de Fred Fortin qui est présentement en 6e position du palmarès franco. C'était le numéro 1 de la semaine dernière. On le connaît pour sa pièce de Larama qui est présentement sur le palmarès. Avant ça, il y avait La Merveille masquée, Toon pour Léonie qui était sur le palmarès aussi. Donc on sait qu'il fait des pièces excellentes. On va l'écouter Grande Jambe et on s'en reparle après dans les palmarès. C'est fou au 89.1 FM. Grand Grande jambe de l'album Plâtrer la lune ou Plastrer la lune de Fred Fortin dans les palmarès. C'est fou, c'est la fin de l'émission pour cette semaine. En fait, pour les gens du vendredi qui nous quittent pour aller rejoindre les lutins de l'enfer dans quelques minutes à peine. On se retrouve donc la semaine prochaine, vendredi de 17h à 20h. Et je vous rappelle les cases horaires originales parce que c'est là l'important. C'est là qu'il faut écouter parce qu'il y a beaucoup plus de contenu dans les émissions normales. Donc mercredi, c'est l'édition anglophone entre 13h et 15h. Même chose le jeudi, 13h à 15h. Là, c'est l'édition francophone. C'est ce qu'on vit en ce moment, nous, en direct le jeudi. On se retrouve d'ailleurs après la pause, nous les gens du jeudi, pour entendre un petit peu le top 30 des albums, top 6 chronique, top 10 loud. Aujourd'hui, ça va être surtout le top 30 des albums. Donc, on va entendre entre autres du Tommy T et du Champion, comme je l'appelle, mais c'est champion. Si vous voulez comprendre, je vais dire champion juste pour vous autres là. Donc, on se retrouve tout à l'heure où on se dit au revoir. Restez là ou pas. Partez, restez, grand, petit, noir, blanc. Et comme dans chaque édition que ou même émission que j'anime, j'oublie de dire avec quoi on se quitte. On se quitte avec une autre pièce d'un artiste qui est dans le palmarès francophone en ce moment, donc c'est toujours dans le bloc sur la clôture. Voici Patrick et les Brutes de son album « Toutes les filles sont folles de moi », c'est la pièce titre. retour, vous êtes toujours dans les palmarès. C'est fou, les palmarès, comme je devrais recommencer à les appeler. Il me semble que j'avais arrêté d'utiliser ça, les palmarès, mais maintenant ça revient. C'est en mode. Qu'est-ce qui revient en mode? Je connais pas en mode, finalement. Je viens d'avouer que je connais pas en mode. Je ne suis pas Gilles La Douceur Designer. Hein? Donc, dans cette dernière demi-heure, puis en même temps, je vous remercie d'écouter en direct, hein. Parce que, tu sais, les gens du vendredi, on disait tantôt, eux, ils entendent pas ces petits bouts-là. Ces belles petites blagues-là de gars qui essaient de dire quelque chose, mais qui est pas capable, finalement, parce que c'est pas, ils connaissent rien. Ce qu'on va faire, tantôt, j'avais dit que j'avais comme de la misère à choisir entre faire un bloc l'alphabet des palmarès ou un bloc sur la clôture. J'ai fait le bloc sur la clôture, donc pourquoi pas tout de suite se taper un petit bloc l'alphabet des palmarès. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça et ça me tente beaucoup, beaucoup. Donc, on va y aller avec la lettre la plus simple. Je pense que j'aurais pas pu choisir une meilleure lettre dans laquelle, allons-y avec n'importe quel mot comme ça. Commençons avec la lettre A. Tiens, c'est avec pas de casque. Voici l'amour passe à travers le linge dans les palmarès, c'est fou au 89.1 FM. Excellente histoire de peur pour les enfants. Croissant peut-être pour tournant doigt, possiblement trop bizarre. C'est bon de voir tes cheveux dingues, d'entendre ta voix qui tremble. Drôle d'avoir la certitude qu'on va dormir ensemble. Une envie soudaine de crier ton nom tellement fort. Comme une envie soudaine de crier ton nom tellement fort. Et l'amour passe à travers les dise de rien. Oui, je ne parle de rien. Je suis un fils de rien. Je vais m'acheter un flingue. Je vais m'acheter un flingue. Ah, je vais m'acheter un flingue. Ouais, je vais m'acheter un Charles de Gaulle et Choque-moi, c'est un succès de l'été 2008, ça, du côté francophone, assez fou. Avant, c'était Bleu, qui date de début 2005, pas Blue, j'ai bien dit Bleu, oui. La pièce s'appelait L'ère informatique, on a débuté avec la formation, avec Podcast, qui date de début 2008. L'amour passe à travers le linge, est-ce que j'ai bien dit Bleu, c'était début 2005, et Charles de Gaulle était 2008. Donc un petit bloc flashback de 15 minutes comme ça fait toujours du bien, une fois de temps en temps, pourquoi pas. Maintenant, revenons à nos moutons, hein, parce que vous savez, les palmarès, c'est plus que seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone, comme on les diffuse ici, assez fou. C'est aussi un top 30 des CD, un top 3 des disques canadiens, un top 10 loud et un top 10 électronique. Hier, on a entendu quelques pièces du top 10 électronique, mais parlons-en encore. Il y a quelques nouvelles entrées, 3. En 6e, Syntax avec Illa Jolly. En 5e, c'est PM Music avec Trenches. Le numéro 1 est une nouvelle entrée, donc faisons le top 3 avant. En 3e, ça monte d'une place Velvet Acid Christ avec The Art of Breaking Apart. Ça monte d'une. En 2e, ça descend d'une place Digit avec Hold It Close. Et le numéro 1 est une nouvelle entrée directement au sommet, Fever Ray avec Fever Ray Deluxe Edition. Dans le top 10 loud qu'on ne survolera pas cette semaine, malheureusement, mais ça reviendra à un moment donné. Hein. Il n'y a pas de nouvelles entrées. Par contre, on va faire le top 3. En troisième position, ça descend d'une place Megadeth et Endgame. En deuxième, c'est l'ancien numéro 1, Sacrifice et The Ones I Condemned. Et en première, ça monte de 2, Baroness et Blue Record. Baroness qu'on écoute assez souvent dans les palmarès depuis quelques semaines. On dirait que c'est pas mal juste eux qui font du loud qui est diffusable dans ces heures-ci. Le top 3 des disques canadiens maintenant. En troisième place, ça monte de 2, Tegan and Sarah avec Saint Hood. En deuxième, ça monte de 12 places, Parlor Steps et l'album The Hidden Names. Et en première, ça monte de 17, Red Mass avec l'album Red Mass. Entrons dans le top 30 des CD un petit peu, hein, pourquoi pas, parce que c'est lui qui a le plus de stock à passer. C'est vraiment super bon ce top 30 des CD-là, qui comprend pas mal toutes les pièces du top 20 anglophone, mais aussi d'autres affaires qui ont soit récemment quitté ou qui vont bientôt entrer dans les palmarès. C'est pas mal ça le top 30 des CD. Donc, une nouvelle entrée de Jet en 20e place avec Chaka Rock. On les entendait d'ailleurs hier à l'émission en 20e position du top 20 anglophone. Regardons qu'est-ce qu'il y a dans le top 3 maintenant. En 3e, ça monte de 15 places Red Mass avec l'album Red Mass. En 2e, ça monte de 7 Air avec Love 2. Et en première position, ça monte de 16 directement. C'est Dead Man's Bones avec Dead Man's Bones. Voilà. Mais nous, ce qu'on va aller écouter par contre, pas par contre, parce que dans le fond, il n'y a rien de contre ça. On va écouter du Champion tantôt avec son album Resistance ou Résistance. Mais commençons par Tommy T, qui se retrouve en 27e position du top 30 des CD. L'album s'appelle The Prester John Sessions et on écoute Brothers tout de suite dans les palmarès. C'est fou. Au 89.fm. Ouh, c'est sexy. Ah, c'est pas si sexy ça. We'll Tommy T et la pièce Brothers de l'album The Prester John Sessions dans les palmarès. C'est fou et ça, Tommy T, c'est en 27e place du top 30 des CD. Voilà, donc c'est presque pas mal la fin. On va se quitter avec deux dernières pièces qui vont nous amener jusqu'à l'assemblage requis que j'anime à partir de 15h tout à l'heure. C'est l'émission du retour en pièces détachées, donc restez là pour ça. Ça commence bientôt, là. Pourquoi s'en aller quand ça commence juste là, là? Pas besoin de bouger, même pas besoin de rien faire, finalement. On va se quitter avec deux dernières pièces. On va entendre du Priestess en terminant, donc à la toute fin, avec l'album Prior to the Fire. On va écouter la pièce Sideways Attack. Mais avant ça, c'est un champion qui est en 23e place, qui descend pas mal de la 12e. L'album est Resistance. On va écouter L6 The Blooded. Et on se retrouve dans une dizaine de minutes à Assemblage Requis.